Chapitre 2. Bien que la porte de Monsieur Leleu fût fermée, Henri Duchemin marcha sur la pointe des pieds. Dehors, l'air froid tiraillait le nerf d'une de ses dents. Il ne pleuvait plus. La pente de la rue donnait envie de courir. Les bulles qui flottaient sur les flaques ne crevaient pas, car elles étaient immobiles. Henri Duchemin traversa un faubourg de Paris. Il y avait des inscriptions à la craie sur les murs. Une palissade dissimulait un terrain vague. Des fenêtres sans rideaux luisaient à la lueur d'une lanterne, comme du mica. Un cabaret peint en rouge inondait de lumière une impasse. Des ombres remuaient sur les vitres encore éclaboussées de pluie. Un passant eut hésité à pénétrer dans ce bouge. Henri Duchemin, qui ce soir-là ne craignait rien, y entra et s'installa au fond, avec l'aisance d'un habitué. Quelques clients debout causaient avec la patronne. Celle-ci, les pieds au sec sur un caillebotis, lavait des verres. Son tablier était mouillé au ventre. « Que désire monsieur ?»« Un rhum. » Henri Duchemin l'avala d'un trait. Puis il but de la bière, du vin, des liqueurs, et comme il n'avait pas l'habitude de le faire, une heure après il était ivre. Il avait le vin triste. Aussi s'affecta-t-il à la pensée qu'il ne pouvait payer ses consommations. Bientôt ses pensées s'embrouillèrent. Il clignota des yeux comme aveuglé par le soleil. Il ne discerna plus les scintillations du comptoir et ne perçut même pas le cliquetis des bouteilles. Ce fut à cet instant que, malgré son état, il vit en face de lui un homme qui somnolait la tête sur la table, les bras entre les jambes. Henri Duchemin n'en revenait pas. Croyant rêver, il allongea le bras et du bout du doigt toucha les cheveux du dormeur. Celui-ci s'éveilla en sursaut. Cécile était sale. Il devait être encore à demi endormi, car pour trouver son mouchoir, il chercha dans toutes ses poches. Quoiqu'il ne fût pas rasé et que son chapeau n'eût point de ruban, il portait un faux col. Il avait de grosses veines à l'endroit où l'on embrasse la main. « À boire !» Sans doute, comme bien des gens, il aimait à boire en se réveillant. Dès que la patronne eut apporté une bouteille de vin, il en avala deux verres de suite. Il sourit, cherchant à lier conversation. « Quel mauvais temps !» Henri Duchemin ne répondit pas. Il aimait à causer, mais il se défiait des étrangers. Les clients, se rendant compte que leur discussion ne changeait rien aux choses, s'en allèrent. La patronne se recoiffa du bout de ses doigts mouillés. Les deux hommes s'observèrent. « Écoutez-moi, » dit l'inconnu. Aucune parole ne l'engagea à continuer. « Écoutez-moi donc !»« Oui. » »« Dites-moi votre nom. » Henri Duchemin ne sut quoi répondre. Il semblait qu'il serait plus faible, qu'il se découvrirait, qu'il se mettrait à la merci de l'inconnu, s'il disait son nom. Et pris ainsi au dépourvu, il ne se sentait pas assez d'à-propos pour en inventer un faux. Doucement, comme pour ne pas être entendu, il dit « Henri Duchemin. « Voulez-vous devenir mon ami? Comme vous, je voudrais avoir beaucoup d'argent. » En effet, Henri Duchemin voulait avoir beaucoup d'argent. Comme il pensait que ce désir ne pouvait être que celui d'un audacieux, il fut flatté que son voisin lui devinait. Aussi, quoique cette alliance lui semblât imprudente, il accepta. « Mais comment vous appelez-vous ? » « Je n'ai pas de nom. » « Vous n'avez pas de nom. » « J'en ai un, mais tu n'as pas besoin de le savoir. » « Et que faites-vous ? » « Rien. Mais à partir de maintenant, il faut agir. Veux-tu devenir riche, Duchemin ?»« Oui, si c'est possible. » Quand la patronne vint servir, l'homme sans nom l'a pris par la taille. « Imite-moi donc, Duchemin. » Celui-ci l'eût fait volontiers, sans la timidité qui annihilait ses forces. « Il ne faut pas rougir, jeune homme, » dit la patronne en se dégageant. « Duchemin, j'ai à te parler de choses sérieuses. Fais attention. »« Je t'écoute, » répondit Henri Duchemin, qui tenait aussi à tutoyer son interlocuteur. « Voudrais-tu être riche ?»« Oui. » « Ce n'est pas oui qu'il faut répondre, c'est « je le voudrais. » »« Je le voudrais. » Un client qui s'assoupissait près du poêle sursauta. L'eau s'évaporant de son pardessus et de ses souliers l'enveloppait d'une nuée transparente. La patronne qui lisait un roman avait du mal à tourner les pages. « Tu m'écoutes, Duchemin ?»« Je t'écoute. » »« Entre la vie que tu mènes et la richesse, que choisis-tu ?»« La richesse. » D'un robinet mal fermé, des gouttes tombaient dans un baquet. « Tu choisis la richesse ?»« Oui. » « Bravo, tu es sauvé. » L'homme sans nom s'approcha de son voisin et lui prit la main. « As-tu du courage ?»« Oui. » Tout était immobile dans la salle éclairée. « Bien, tout à l'heure nous irons dans une maison, un banquier doit y coucher. »« Un banquier ?»« Oui, lorsqu'il dormira, tu... » L'homme sans nom ôta son chapeau afin que la sueur de son front n'en mouillât pas le cuir. « Lorsqu'il dormira, tu... »« Je... » « Tu le tueras. »« Je le tuerai. » « Oui. » Henri Duchemin eut un vertige comme quand il ne mangeait pas. Il vit trouble. La suspension, les bouteilles tombèrent derrière le comptoir, puis traversèrent la salle. « Tu t'introduiras dans la chambre, la lune t'éclairera. Tu n'auras qu'à frapper, alors tu seras riche. »« Au secours !» La patronne ne leva même pas les yeux. Quant au client, il oscillait sur sa chaise, s'éveillant et se rendormant tour à tour. « Tu achèteras des habits, Duchemin, des habits neufs. » Henri Duchemin respira à pleine poitrine l'air chaud qui séchait ses dents. « Veux-tu trinquer ?»« Oui. »« De cognac. » La patronne versa à boire en s'y reprenant à deux fois, de crainte que les verres débordassent. Une minute après, les deux hommes gagnaient la porte. La trappe de la cave trembla sous leurs pas. L'homme sans nom pinçait sa moustache entre ses lèvres pour aspirer les dernières gouttes de cognac. « Bonsoir. » « Bonsoir, messieurs. » Nous n'avons pas payé les consommations et elles ne nous réclament rien, observa Henri Duchemin. Il voulut faire part de sa remarque à son voisin, mais il craignit de paraître ridicule.